Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Bon, on va commencer le bulletin de sport d'abord en parlant du match entre les Capitals de Washington et l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche qui l'a emporté hier par la marque de 6 à 2. Dans ce match, à noter que Samuel Girard a terminé le match avec une passe, a également une fiche de plus 2 et a joué 21 minutes 32 dans le cadre de ce match. Tournoi Bantam qui se déroulait hier à Mississippi avait deux autres matchs au programme. D'abord, les Patriotes de Saint-Bruno ont défait très facilement les Rapides de Mississippi par la marque de 8 à 1. C'est un match du Bantam B. Jason Bilodeau a été le joueur par excellence pour les Patriotes et Félix Sauvageau a été le joueur par excellence pour Dolboom Sassini. Et dans l'autre match, Bantam A, victoire très facile des Aiglons d'Allemagne, 9 à 0 sur les Hurricanes de Mastouillache. Le joueur du match est Zachary Bélanger des Aiglons d'Allemagne et Nathan Gaudreau est le joueur par excellence des Hurricanes de Mastouillache. Et puisqu'il est question de hockey, ben dans la Ligue Saint-Pélette, il y avait des matchs qui nous intéressaient encore dans les différentes catégories. D'abord, en Ligue Saint-Pélette, Midget A, gain des Prédateurs de Jonquière 6 à 0 sur les Sabres de Robertval-Mastouillache. Et ces mêmes Sabres ont vaincu les Cougars de Chicoutimi 4 à 2. Le Marcos Pop de Saint-Félicien a gagné 6 à 2 dans cette catégorie contre le National de la Baie. Et dans le Junior A, le Royal de Métabetchouan a vaincu le Pro-Lame de Saint-Félicien 5 à 2. Un retard d'environ 2 mois vient vraiment compliquer les choses pour la ronde de Novice Atome de Robertval. Hier, en entrevue sur les ondes de danradiosport.com, le président du hockey mineur de Robertval, Hugo Maltin, a mentionné que le centre sportif Benoît Lévesque ne sera pas livré au plus tard le 15 février prochain. Donc, évidemment, ça amène de nombreuses complications pour ce tournoi, explique le président du hockey mineur, Hugo Maltin. Non, malheureusement, les dates ne seront pas respectées. Puis quand je dis, c'est vraiment là, ça a été un bon casse-tête. Là, on est en train de brasser ça parce que là, présentement, là, on parle pas avant début février ou mi-février. Okay. Donc, ça a même des très grosses répercussions sur ma ronde Novice-Atome. On est en train là, de regarder parce qu'habituellement, là, on avait la ronde là, 27-28, la fin de semaine du 27-28 janvier puis la fin de semaine du 4 février, mais là, Saint-Félicien dans le Bantam a pris la fin de semaine du 27-28 janvier, donc on peut plus faire notre ronde, on peut plus faire notre ronde novice ces dates-là, faut décaler d'une semaine, là. Donc c'est un méchant contrat. Il espérait, là, j'ai pas nécessaire. Patinage de vitesse sur courte piste. Les premiers coups de patin se sont déroulés cette nuit en Corée du Sud, à Séoul plus particulièrement. Et Marianne Saint-Gelais, au 1500 mètres, a terminé au premier rang de sa vague avec un temps de 2 minutes 835 centièmes. Au 500 mètres, Marianne a réussi un temps de 43 secondes et 784 centièmes. Cassandra Bradette de Saint-Félicien a réussi également le meilleur temps de sa vague avec un chrono de 44 secondes et 704 centièmes au 500 mètres. C'est le bol d'or en fin de semaine. Au niveau collégial, on sait que les Cougars de Chicoutimi vont affronter Saint-Hyacinthe. Hier, on a parlé avec l'instructeur François Laberge et il nous explique un peu l'équipe de Saint-Hyacinthe qui a une très très bonne défensive. C'est exactement ça. Ils sont comme nous un peu, sont meilleurs au sol que par la passe durant la saison. Quand même pas un mauvais passeur qui est capable de lancer la balle profonde aussi. Donc, faut juste pas s'endormir avec leur jeu au sol puis être que nos demi-défensifs gardent leur receveur parce que souvent ils sont gourmands quand ils gagnent juste les 2, 3, 4 verges, ils s'impatientent rapidement le coordonnateur à l'attaque qui va souvent essayer des longs jeux. Donc ça va être à nous de pas s'endormir puis justement éviter de donner ces longs jeux là. Puis à ce moment-là, on augmente nos chances. Et à l'instar de Jonquière, Saint-Hyacinthe possède une très très bonne attaque au sol. Oui, c'est clair, c'est la place où ils sont là. À part l'Université Laval qui va jouer son match à Calgary, donc pour c'est difficile d'être là. Sinon, toutes les universités du Québec, Bishop, souvent Acadia ou des universités des Maritimes, eux vont jouer la demi-finale, ça va être plus dur, mais il y a d'autres universités. Ottawa était là l'an passé aussi. Donc oui, c'est une super belle vitrine pour les joueurs de football. Là. C'est la place. Okay. Si durant la saison, tu veux te faire remarquer. Et plusieurs recruteurs au niveau universitaire seront présents au Centre Claude-Robillard en fin de semaine à Montréal. Ce sera l'occasion rêvée pour les joueurs qui sont natifs de Boumsesni d'être vus par les recruteurs des différentes universités. Écoute, ça va être un très gros match. C'est la meilleure offensive, la nôtre, contre la meilleure défensive, la leur. C'est une équipe qui a vraiment pas donné beaucoup de points dans la saison. C'est une équipe qui est à maturité, donc qui est plus vieux que nous un petit peu. Quelques joueurs de quatrième année. Nous, on va pouvoir sortir un très gros match. Là. On affronte un excellent adversaire, mais je pense qu'on a une très bonne équipe aussi. Okay. Donc, on n'a pas de complexe, on s'en va là bien préparé. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Encore plusieurs entrevues hier. Pierre-Luc Ménard vient nous parler du tournoi Bantam qui se déroule actuellement à Mistassini. Également, je me suis entretenu aussi hier avec Hugo Maltin, le président du hockey mineur de Robertval. On s'est également entretenu aussi hier avec Pascal Jobin, c'était la chronique de la NBA. Et vous pouvez également écouter les autres entrevues dans la section entrevue de danradiosport.com. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.